Chapitre 12e, 6e jour. Le réveil se déchaîna. La nuit avait été courte. Fatigué, Christophe n'avait pas envie de se lever. Quelle nuit, quel gaspillage de temps! Ses rêves coutumiers étaient certainement plus profitables que cette longue planque inutile. Il reprit des forces sous la douche, appréciant le gel parfumé à la vanille que Marie lui avait offert et qu'il utilisait parcimonieusement pour faire durer le plaisir. Il partit au bureau revigoré, décidé à réussir sa dernière journée de travail avant de retrouver son grand amour. « Tu es tombé du lit, Martin ?»« Non, je n'y suis pas entré. »« Figure-toi que j'ai croisé une copine après t'avoir quitté. J'ai juste eu le temps de passer prendre une douche, me raser. » Les valises sous ses yeux témoignaient d'une nuit agitée. « Je t'admire, Martin. Quel dévouement. Marre-toi, vas-y, profite de mon état de faiblesse. » Il redemanda du café au barman. « C'est plus l'heure de l'apéro, les gars. Vous êtes complètement décalés. On a planqué hier soir, banane. Ah, pardon, vous bossez même la nuit? On est sauvés, alors. » Il s'éloigna, hilar. « J'en viens à la question traditionnelle. Comment était le cocktail hier soir? Disons un bon tiers de bonnes habitudes, un bon tiers de mauvaises habitudes et un tiers de révision. Le tout sous contrôle du pilote automatique. En résumé, tu as juste fait ton devoir, non? Plus que ça, quand même, et elle était en pleine forme. Tu te sens d'attaque ou tu veux te reposer un peu avant de commencer la journée? Je démarre avec toi. Tu te débrouilles avec BG, si tu veux bien. Tu notes mon indisponibilité cet après-midi. Je vois. Finalement, tu n'es pas Superman. » Très occupé, BG se contenta des explications de Christophe basées sur ses intuitions fortes et sa certitude d'être très proche de la solution. Il grogna, posa quelques questions sur la suite prévue, rappela ses vacances et manifesta son impatience. Christophe se retrouva un instant seul dans son bureau. Il pouvait passer des heures entières à regarder ses yeux. Il ne l'écoutait pas. Il lisait les mots dans son regard. Ses yeux chantaient la vie, sa vie. Il adorait surtout le moment où elle commence à faire ses petits yeux, quand elle avait envie qu'il lui fasse l'amour. Alors il devenait immense, beau comme un dieu, fort, invulnérable. Il planait sur le monde. « Tu vas voir de la lecture, Christophe. Je te laisse. Voici le cahier trouvé chez Jean-Marc par les équipiers de Graziani. Et n'oublie pas que ceux de la femme de ménage et du petit garçon sont dans le tiroir. C'est toi, l'intellectuel. Lis tout ça. Je vais retourner dans mon lit tout de suite. Je suis mort. On se retrouve plus tard. » Christophe commença de lire le journal de Marianne, la femme de ménage de Denise. L'écriture était régulière, les lettres bien formées. Il n'avait pas l'intention de tout lire, juste les informations utiles à l'enquête l'intéressaient. Il ne s'attarda pas sur les passages les plus intimes. Il n'attendait pas grand-chose de ce journal, mais on ne sait jamais. Au moins je connaîtrai davantage la victime. Pour la première fois aujourd'hui, madame m'a parlé d'un de ses amis. Je crois qu'elle fait cela parce qu'elle a besoin de faire le point, et elle ne doit pas savoir à qui parler. Elle veut simplement que je l'écoute. Quand j'ai voulu donner mon avis, elle ne m'a pas entendu, elle veut se faire une idée toute seule. Il s'agit d'un homme gros qu'elle a rencontré par hasard il y a quelques mois et qui s'y met en tête de l'épouser. Pour le décourager, elle lui a fait croire que l'enfant qu'elle garde était à elle, et même qu'elle en avait un autre dans un hôpital psychiatrique. Rien n'y fait apparemment, il veut toujours en faire sa femme. Elle est bien embêtée, elle l'aime bien, mais elle en aime bien d'autres aussi, et ne veut pas se consacrer à un seul homme. Elle trouve que ce serait dommage pour tout le monde. Quand il vient, il lui offre toujours un cadeau et un bouquet de fleurs, et pas n'importe lesquels. J'aimerais en recevoir des comme ça, moi aussi, mais bon. Il ne reste jamais longtemps en privé avec elle, et elle n'a pas trop besoin de se refaire une beauté après son départ. Je me demande bien ce qu'elle peut faire. Je n'ose pas écouter trop longtemps à la porte, et je n'entends rien le temps que j'y reste. Madame met un parfum particulier pour lui. Elle a beaucoup de parfums différents, et j'adore cela, car je peux les tester avant de choisir le mien. Elle a beaucoup de goût pour les parfums et d'argent aussi. C'est comme ses vêtements, elle en a vraiment beaucoup, elle sait si bien s'habiller. Peut-être sait-elle aussi bien se déshabiller. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais c'est par intérêt pour elle. Elle est si gentille avec moi. Mais je ne suis que la domestique, pas la confidente. Sauf aujourd'hui pour la première fois où elle m'a parlé du gros homme. Comment pouvait-il supporter de partager Marie avec son mari? Il ne fallait pas y penser sans doute. Elle lui avait dit qu'il était le seul à compter pour elle, mais elle restait avec son mari, sans lui dire pourquoi, et il était impossible de pouvoir aborder cette question avec elle sans qu'elle ne fasse mine de se fâcher, et il ne pouvait supporter qu'elle se fâche. Il feuilleta quelques pages plus personnelles sans s'y arrêter et poursuivit sa lecture. Il ne s'attendait pas à un journal de ce genre, si bien écrit. Il aurait plutôt pensé à des notes dans un tout autre style. Madame était fatiguée ce matin. Je lui ai demandé pourquoi, comme à chaque fois que cela lui arrive, mais cette fois elle m'a répondu. Elle a reçu la visite d'un vieil ami très difficile à réconforter. J'ai fini par comprendre qu'il s'agissait d'un homme assez âgé qui était très épris d'elle et à qui elle n'a rien à refuser. À demi-mot, elle m'a raconté sa nuit mouvementée. Cet homme est un malade pour lui avoir fait faire tout cela pour le contenter, et encore, je suis sûr qu'elle ne m'a pas tout dit. Quelle perversité de la faire habiller ainsi, de lui faire jouer ce type de rôle. Les hommes sont des cochons. Bien sûr, quand on est amoureuse, on veut bien faire tout pour eux, pour leur faire plaisir, pour qu'ils n'aillent pas voir ailleurs. Mais elle n'est pas amoureuse de lui. Pourtant, elle ne regrette rien. Car elle a l'impression qu'elle lui a donné un peu de bonheur ou un peu d'espoir. Mais je ne le ferai pas, ça, non. C'est une sainte. Ou une idiote. Non, pas une idiote. C'est moi l'imbécile de penser cela. Après tout, si elle le fait, elle doit y trouver son compte. Peut-être pas sexuellement, quoique je ne le sache pas. Mais moralement, enfin, quand il vient, ce n'est pas comme avec le gros homme là. Il lui faut du temps pour récupérer. Je n'ai jamais vu de marque sur elle, enfin sur la partie visible. Mais je n'imagine pas qu'elle en a ailleurs, à cause des autres. Cela serait compromettant. Il doit se contenter de certaines perversions et j'en imagine, depuis que j'ai trouvé dans un tiroir de sa commode, sous des sous-vêtements, certains objets dont j'avais entendu parler sans jamais les voir auparavant. C'est étrange de les voir comme cela. Les utiliser doit changer cette impression et je l'ai donc fait sur moi. Je les ai lavés ensuite, comme elle l'a fait elle-même, n'osant peut-être pas me demander de le faire. Faire cela seul n'a pas trop d'intérêt, mais c'était juste pour avoir une idée de la sensation. Mais c'est décevant comme cela. Il faudrait le faire à deux et c'est vrai que j'ai imaginé le faire avec elle. Je ne crois pas qu'elle le fasse avec des femmes, quoique la mère du petit passe la voir assez souvent. Et dans ce que j'ai trouvé, au moins une partie ne devrait pas servir pour ses relations avec son pervers. Je suis folle de penser à ça, mais j'aimerais tant avec madame. Je ne l'ai jamais vue nue, moi, pourtant elle doit avoir un corps admirable. J'aimerais le toucher et lui donner tout le plaisir qu'elle mérite et que ni le gros homme ni le pervers ne lui donnent. Il était facile à satisfaire. La seule présence de Marie lui suffisait. En théorie, car une fois avec elle... Mais ce qu'il voulait surtout, c'était contenter Marie, lui donner du plaisir. Il adorait cela, lui donner du plaisir, plus que ressentir lui-même son plaisir. Oui, sans doute plus. Madame m'a reparlé du gros homme. Elle m'a donné quelques détails sur leur relation. Il l'invite souvent à déjeuner ou à dîner, bien que lui-même ne mange pratiquement pas à cause de son régime. Il lui offre des bijoux, lui donne de l'argent pour en faire ce qui lui plaît, sans avoir de compte à lui rendre. Il est vraiment très amoureux d'elle. Je me demande ce qu'elle lui donne en retour. De l'amour platonique, tout simplement. J'en doute. Madame ne sait pas dire non aux hommes qui semblent malheureux. Je me demande ce que madame fait de tout son argent. Elle doit l'économiser ou en donner une partie à l'enfant. Elle l'aime tellement, ce petit. Cela la change des autres, des grands. Marie ne disait jamais non à ses demandes amoureuses, mais il n'était pas exigeant. Et essayait juste d'anticiper ses envies. Elle lui avait demandé au début de leur relation s'il avait des tabous, et il avait répondu qu'il en avait peu, ce qui ne voulait pas dire grand-chose, mais autorisait un peu tout. Ils étaient restés plutôt sages de ce côté-là. Ils étaient plus imaginatifs sur les endroits où ils faisaient l'amour ou les positions. Cette fois-ci, madame m'a fait allusion à un homme plus jeune. J'ai cru comprendre qu'il était vaguement de sa famille. Il est souvent absent de la ville, mais vient la voir de temps en temps. Il a besoin d'argent et madame l'aide souvent à finir le mois. Celui-là doit lui donner du plaisir, je suis sûr, et cela me rend jalouse. Je suis bête, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je ne l'ai jamais vu en vrai, et madame m'a dit qu'elle me montrera une photo de lui une autre fois. J'aimerais savoir de quoi il a l'air et ce qu'elle lui trouve, à part sa jeunesse et sa fougue, sans doute. Madame est aussi une coquine, comme nous toutes, enfin, elle aime le sexe. Pas seulement pour donner aux autres. C'est finalement rassurant, et cela m'encourage à penser à elle et à ce que nous pourrions faire toutes les deux si elle le voulait. Mais avec sa bonne, cela ne lui viendra jamais à l'idée. sauf si je l'aide à y penser. Oui, c'est cela, il faut que je le lui suggère. Il faut que je trouve quelque chose pour lui donner envie de moi. Y penser me met dans tous mes états, et je me caresse de plus en plus souvent en pensant à elle. Il aurait voulu offrir des cadeaux à Marie, ou l'aider financièrement, car elle ne roulait pas sur l'or. Mais elle refusait les cadeaux, et il n'avait pas osé lui proposer une aide financière pour qu'elle ne le prenne mal. Il avait de l'argent de côté qui lui venait d'un héritage, dont il n'avait rien dépensé. Il rêvait d'en profiter avec Marie. Dépenser sans elle n'avait aucune espèce d'intérêt. Madame était encore fatiguée ce matin. Je sais ce que cela signifie. J'ai même pu me faire une idée plus précise de ses relations avec son soi-disant ami. Elle avait cette fois des traces de coups et de griffures. Elle avait mal aux reins et ses yeux étaient cernés. Elle n'a pas dû beaucoup dormir. Je ne comprends pas qu'elle accepte ça de cet homme. Elle ferait peut-être mieux d'épouser le gros homme, au moins lui ne la fatigue pas trop. Je ne pense pas qu'il soit bien exigeant avec elle. Il faudra que je découvre ce qu'il lui demande. En attendant, j'ai progressé vers elle. Je lui ai passé de la pommade sur ses reins, et je l'ai fait de la manière la plus sensuelle que j'ai pu, en la massant longuement jusqu'à la limite de sa culotte, que je lui ai demandé de baisser pour ne pas l'attacher. Elle l'a fait, et cela m'a beaucoup troublé de la découvrir. Elle avait rendez-vous avec son coiffeur, et je n'ai pas pu aller plus loin. Mais quand j'ai eu terminé, elle m'a dit que je massais très bien, et qu'elle aimerait que je le lui refasse. Je ne fais qu'y penser depuis, et j'ai fait quelques bêtises chez d'autres clientes. Il faut se concentrer sur son travail pour le réussir, et j'ai du mal. Vivement la prochaine fois. Bien sûr, il s'interdisait de penser à ce que son mari pouvait lui demander ou exiger d'elle. Enfin, il essayait. Et quand il n'y arrivait pas, la journée était perdue. Il était malheureux comme une pierre. Je n'ai pas réussi à savoir ce que le gros homme demandait à madame. Par contre, elle m'a redemandé de la masser. Nous sommes allés dans sa chambre et elle s'est mise en soutien-gorge et en culotte, puis elle m'a dit que j'avais raison de dire que la pommade risquait de tacher sa culotte, et elle l'a enlevée. Je n'ai rien demandé. Tout ce qui a suivi a été merveilleux. Je l'ai caressée partout, longuement, et elle m'a caressée partout, et nous avons eu beaucoup de plaisir. Elle m'a fait jurer de n'en parler à personne. Nous n'avons pas utilisé les objets. Je ne pouvais pas lui en parler, et j'avoue ne pas avoir le temps d'y penser. Je suis amoureuse de madame, comme tous les autres. Je sais qu'elle n'est pas amoureuse de moi, mais je ne sais pas si elle fait les caresses pour moi ou pour son plaisir. J'espère que c'est aussi pour elle. Les yeux de Marie. Il aurait pu écrire un livre uniquement en parlant d'eux. Il représentait tout, il contenait tout, il leur appartenait lui-même. Ce bleu si pur, cette lumière si intense, cet hymne à la vie. Ils éclairaient le monde, au moins son monde à lui. Encore une nuit agitée pour madame. Le sale bonhomme était là hier soir. Je me demande si je ne devrais pas faire quelque chose pour madame. Je pourrais surveiller les allées venues pour connaître tous ses visiteurs et m'arranger pour décourager les importuns, le vicieux et le tapeur. Seulement, tout ceci ne me regarde pas vraiment, encore que maintenant je suis aussi son amante. Je dois y réfléchir. Cet affreux va finir par abîmer madame. Et ce n'est pas elle qui l'arrêtera. S'il a besoin d'elle, elle sera là pour lui, comme elle est là pour nous. Nous avons pris nos petites habitudes toutes les deux et nos rapports deviennent de plus en plus coquins. Madame invente quelque chose de nouveau chaque fois. Abîmer Marie ? Il n'avait pensé à un problème physique que pour mieux la consoler, rien de grave, ni de définitif. Madame a sorti un des objets aujourd'hui et elle l'a utilisé sur moi. J'ai adoré. Ça n'a rien à voir avec elle et le faire seul. Je lui laissais faire tout ce qu'elle voulait avec moi. Même les choses que je refuse avec les hommes. Avec elle, c'est différent. C'est si sensuel, si naturel. J'ai eu tant de plaisir. Je le lui ai dit. Elle m'a dit qu'elle avait aimé me le faire. Que j'avais des formes qui lui donnaient du désir. J'ai compris à demi-mot que la mère de l'enfant l'inspirait moins. Ou n'acceptait pas tout comme moi. J'espère que je serai la seule à qui elle le fera dorénavant. Marie aimait-elle aussi les femmes ? Ou les avait-elle aimées plus jeunes ? Les filles commençaient parfois comme cela. Il l'avait lu quelque part. Sans jalousie, il imaginait Marie avec une autre femme, un contact doux, sans violence malgré ce qu'écrivait la femme de ménage. Les objets n'étaient pas indispensables, les baisers, les caresses devaient bien suffire. il lui demanderait demain si elle avait connu des filles. Elle ne lui cachait rien de ses anciens amours avec les hommes, ce dont il avait horreur, mais elle ne lui avait jamais parlé de femmes, peut-être pour ne pas le choquer. Madame a oublié de me payer aujourd'hui. C'est bien la première fois que ça lui arrive, et nous ne sommes pas allés dans sa chambre. J'étais très déçu, elle l'a bien vu. Elle m'a dit qu'elle était indisposée, mais je ne l'ai pas cru. Elle a l'air amoureuse, très amoureuse. Il a dû se passer quelque chose. Ainsi, il ne trompe pas. Elle s'occupe beaucoup moins du petit garçon et pourtant elle l'adore. Elle lui fait moins souvent des petits plats et reste à rêvasser sans rien faire. Je ne sais pas s'il faut que je m'en réjouisse. Malgré mes efforts, impossible de savoir de qui il s'agit. Pourvu que madame ne me délaisse pas. J'ai trop besoin d'elle maintenant, de ses câlins, de sa douceur et de tout le reste. C'est mieux qu'avec un homme. Je n'aurais jamais imaginé avant de la connaître. Marie parlait de temps en temps de son désir d'être mère. C'était douloureux de l'entendre. Il n'était pas persuadé qu'il serait le père. Pourtant, avoir un enfant avec Marie... Un point positif de cette nouvelle liaison, madame essaye de se débarrasser du jeune homme qui compte sur elle pour finir ses fins de mois. Elle m'a avoué que c'était un bon amant, c'est donc la raison de ses largesses. Elle a elle aussi besoin de ce plaisir qu'elle donne aux autres. Elle l'a aussi trouvé ailleurs maintenant, mais cela ne remplace pas ce qu'elle fait avec moi. Nous avons repris nos relations et j'en suis ravi. J'avais tellement peur que ce soit terminé. Je crois qu'elle ne peut plus garder que lui comme amant homme, mais qu'elle a aussi besoin d'une amante à posséder, et cette amante, c'est moi pour le moment et pour longtemps, j'espère. Je ferai tout pour, tout ce que madame me demandera. Était-il vraiment meilleur au lit que le mari? Était-il juste là pour pimenter sa vie? Y avait-il eu quelqu'un avant lui quand elle était déjà mariée? Y aurait-il quelqu'un après lui? Ce journal commençait vraiment à lui donner des idées noires. Je crois que madame essaye de mettre fin à une autre de ces liaisons dont elle ne m'a jamais parlé avec beaucoup de détails. Un homme qu'elle voyait deux fois par mois, un peu par pitié, pour lui donner quelques miettes de plaisir. Elle va lui demander, m'a-t-elle dit, de ne plus revenir. Elle reçoit encore le gros homme et le vicieux, en plus de son nouveau Roméo. Elle m'a quand même dit qu'il l'a comblé autant que moi. Autant que moi, quand mon cœur a bondi lorsque je l'ai entendu dire cela. Ainsi, ce n'est pas mon rival. Nous pouvons la partager, lui et moi, sans les autres. Il faut qu'elle se débarrasse des autres. L'un risque de lui faire trop mal et l'autre lui a déjà donné assez d'argent. Pourquoi en vouloir encore plus? Il ne pourrait jamais supporter que Marie ait pitié de lui. Non, se retrouver seul serait terrible, mais moins dur à supporter, croyait-il. Madame m'a dit, sans le vouloir, la nature de ses relations avec le gros homme. Pour une fellation, de temps en temps, il n'y a pas de quoi être jaloux. Chacun sa façon de voir les choses. Les questions sexuelles sont naturelles pour madame. Elle ne voit pas de mal à ça, même si ce n'est pas le cas pour la majorité des gens. Je préfère ne pas imaginer madame en train de faire ce qu'elle dit avec le gros homme. Se met-elle nue pour lui ou danse-t-elle comme elle le fait quelquefois avec moi maintenant? Elle aime danser, presque nue, se déhancher et faire naître le désir. Et elle le fait naître, ça oui. Je ne lui refuse plus rien maintenant, même ce que je n'aurais jamais pensé accepter. Quand Marie lui faisait cela, elle lui interdisait de la toucher. Elle voulait qu'il atteigne son plaisir sans la caresser. Elle savait qu'il adorait ses fesses, mais pas question. Elle voulait lui donner du plaisir avec seulement sa bouche. Le petit garçon était malade aujourd'hui. Il a dormi tout le temps. Madame était bizarre. La maladie ne l'inquiétait pas, j'ai même cru un moment qu'elle l'arrangeait. Mais je dois me faire des idées. Elle a passé une bonne partie de la journée à faire de la couture, des retouches à des robes qu'elle a achetées. Elle veut plaire encore plus que d'habitude, ce qui n'est pas peu dire. Elle est belle quand elle est amoureuse et cette beauté me donne encore plus envie d'être dans ses bras. Elle a essayé ses nouvelles robes avec moi et de la lingerie achetée pour lui et qui la rend irrésistible. Je n'ai pas résisté et nous avons terminé dans son lit. Marie aime bien s'occuper de ses robes et de ses tenues. Elle a un goût exquis et presque tout lui va. Il n'avait pas tout dit à Martin. Il avait failli le faire, mais c'était trop intime. Il s'était contenté de lui parler des robes, des jupes, des chemisiers, des pantalons et pas des culottes. des bas, des porte-jartelles, des soutiens-gorge. Quelle journée! Le vieux Vissu est venu hier soir et a dû se montrer particulièrement exigeant. Et puis le gros homme est venu chercher madame pour déjeuner et l'a sans doute remarqué quelque chose. Madame m'a envoyé faire des courses l'après-midi pour recevoir son galant le soir. Quand je suis revenu, elle était en larmes et fermée comme une huître. Pas de câlin, pas même de confidence. Comment a-t-elle géré ses parfums aujourd'hui? Il savait qu'il lui serait impossible de supporter voir Marie pleurer. Il ferait tout pour l'éviter, vraiment tout, sans aucune restriction. Il était sûr de lui. Il savait qu'il pouvait renoncer à elle juste pour qu'elle arrête de pleurer. Aujourd'hui, madame n'a pas dit un mot autre que des ordres et des réponses rapides au téléphone. Quelques câlins au petit garçon, on dirait qu'elle a pris une décision. J'espère que c'est la bonne pour elle et pour moi. J'ai si peur de la perdre. Christophe referma le journal sur ses dernières pages. Il avait passé plus de temps que prévu. Il le reprendrait éventuellement plus tard pour lire les passages qu'il avait négligés, au cas où, mais il pensait avoir lu l'essentiel. Il connaissait maintenant les relations entre Denise, sa femme de ménage et la mère du petit garçon. Il avait noté des informations complémentaires intéressantes concernant les autres visiteurs, sauf Jean-Marc. Il y avait aussi ce trouble de la victime quelques jours avant le crime et cette possible décision prise la veille du drame. Il en parlerait à Martin. Il lui conseillerait de lire ce journal très évocateur, qui devrait l'intéresser au-delà des besoins de l'enquête. Il avait laissé de côté des passages très particuliers par discrétion. Martin aurait probablement moins de scrupules que lui. Restait à découvrir le cahier du petit garçon. Il prit un café fort avant de l'ouvrir. Il picorait en sautant pas mal de pages et corrigeait le style tout en lisant. Didine m'a dit d'écrire chaque jour 5 lignes sur ce qui se passe dans la journée. Elle dit que ça m'apprend à réfléchir et à mieux écrire. Il faut faire bien attention à l'orthographe. Je regarde sur le dictionnaire quand je suis pas sûr, parce qu'elle va lire après. J'aime bien Didine. Il ne saurait dire si Marie faisait ou pas des fautes d'orthographe. Il avait eu peu d'occasion de la lire. Elle lui avait fait promettre de ne rien garder de ses rares lettres. Il ne lui restait que quelques lignes sur la première page d'un roman de Marguerite Duras qu'elle lui avait offert. Ce n'est pas facile de trouver des idées. Aujourd'hui, Didine m'a fait une poule avec du riz et c'était bon. Maman n'a jamais le temps de faire la cuisine. Est-ce que Marie cuisinait bien? Il en était persuadé même s'il n'avait goûté qu'une fois sa cuisine, la première fois qu'il s'était trouvé chez elle, en ami. À cette occasion, il s'était déclaré sans succès. J'ai vu des roses de toutes les couleurs, des rouges, des roses, des blanches et des jaunes. Le gros monsieur en a amené plein, plein. Il était gentil avec moi, et j'ai fait ce que m'a dit Didine. Il n'avait jamais offert de roses à Marie. Elle ne voulait pas de fleurs, un vrai calvaire. Il avait tant envie de lui donner tous les trésors du monde. Un beau monsieur est allé voir Didine. J'étais sage et je les ai laissés tout seuls. Comme ça, j'ai regardé la télé dans le salon pendant qu'il parlait dans la cuisine. Marie avait acheté un téléviseur grand écran. Sur ses conseils, Christophe avait fait pareil. Je dois passer au tableau demain. J'espère que j'aurai une bonne note pour faire plaisir à maman. Comment était donc Marie à l'école, au collège et au lycée? Toutes ces années perdues à ne pas la connaître. Il n'avait même pas pu voir les photos, mais il avait bon espoir de pouvoir les regarder un jour avec elle, en écoutant ses commentaires. Il aimait bien qu'elle lui raconte sa vie, sauf 2 ou 3 aventures qu'elle racontait naturellement et sans gêne. J'ai répondu au téléphone, comme me l'a demandé Didine. Monsieur Marceau n'était pas content, et il a dit un gros mot. Je ne l'ai pas répété à Didine. Il adorait sa voix au téléphone et il pouvait se l'imaginer en train de lui parler. Sa façon de tenir le combiné, ses attitudes, ses mimiques, ses au revoir si doux. J'ai eu une mauvaise note à mon interrogation et maman m'a grondé. Mais c'est pas ma faute. Ils ne s'étaient jamais disputés. Christophe faisait tout pour l'éviter. Didine avait un tas de billets à la main. Elle les a rangés dans sa chambre. Les pages suivantes, un alignement de chiffres sans autre commentaire attira l'attention de Christophe. U 104 665 62 65 P 029 032 1397 U 200 054 00 516 U 181 185 95 093. Il y avait trois pages de numéros. Il revint en arrière dans le carnet, sautant d'un paragraphe à l'autre jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. Didine m'a dit de copier les numéros des billets sur le carnet pour apprendre à bien faire les chiffres. Après, elle m'a fait lire les numéros. C'est pas facile. Christophe bondit sur le téléphone. Allô, commissaire Graziani, Carpol. C'est Marceau le coupable. J'en ai la preuve, je pense. Pouvez-vous le serrer rapidement, ainsi qu'un dénommé Foldano, habitué du cercle de jeu, à titre de témoin. Marceau lui a remis une forte somme d'argent, peut-être la cause du crime, et j'ai des numéros des billets de banque en possession de Denise Doulade. Si on en retrouve, il est cuit. Bravo, Carpol, bien vu. On s'en occupe tout de suite. Les yeux clos, enfoncés dans son fauteuil, Christophe appréciait l'instant présent, ce moment de vérité où tout devient clair. Après les fausses pistes et les doutes, Marie Solange rentra en coup de vent, mettant un terme brutal à sa jouissance. « Vous avez enfin trouvé Jean-Marc ?» interrogea Christophe encore dans son nuage. « Oui, il est en croisière dans les îles grecques. Il rentre demain. » confirma Marie Solange tout sourire. Le téléphone fixe l'interrompit. Il l'écouta, son visage s'assombrit. « Oui, je comprends, mademoiselle. Ne vous affolez pas. Nous nous en occupons. Je vous tiens au courant. » C'est Patricia Outborg. Marchand a disparu. Bon, je vais réveiller Martin pour le mettre au courant et prévenir Graziani de surveiller Marchand. Il est armé. S'il a identifié Marceau, il risque d'y avoir du grabuge. Vous m'appelez ou Martin, s'il y a du nouveau? Martin dort. Bon, j'y vais. Je peux venir. J'aimerais bien voir comment il est à son réveil. Demanda Marie Solange. Qu'à son réveil? Christophe la regardait interrogateur avec un petit sourire. Non. « J'avoue, je vous choque. »« Non, non. Martin plaît en général. Mais il vaut mieux que j'aille seul et que vous restiez là. Vous aurez le temps de le découvrir. » Arrivé chez Martin, il monta au pas de course, sonna longuement. « Oui, oui, j'arrive. C'est toi, Christophe ?»« Il est quelle heure ?»« L'heure de se décider à se réveiller. Il y a du nouveau. » Pendant que Martin se passait de l'eau sur le visage, Christophe se demanda s'il était possible qu'un jour son ami rencontre Marie. Ce serait affreux de l'entendre décrire le cocktail le lendemain matin. Les choses étaient infimes, parce que Marie lui était fidèle et sortait peu seule. Le mieux serait de les présenter. Christophe hésitait à le faire. Martin lui donnerait son avis sur Marie et il ne voulait pas prendre ce risque. « Alors, Martin, ça vient ?»« Voilà, chef, raconte. »« Je commence par l'enquête. »« Pourquoi ? Qu'y a-t-il d'autre ? » ?»« Marie Solange. »« Alors vite, l'enquête. » Christophe le mit au courant de ses découvertes, des numéros de billets, de l'arrestation au cours de Marceau et du coup de téléphone de Patricia Outborg. Il faut retrouver Marceau avant Marchand. Avec Graziani sur le coup, ça devrait aller. Tu aurais pu me laisser dormir. Je pensais que tu voulais assister à l'arrestation. Bien sûr que oui, inspecteur. Et Marie Solange? Elle tient à toi. Elle te l'a dit? Oui. Elle l'a fortement suggéré. Elle n'y va pas par quatre chemins. Où est-elle? Dans mon bureau. Allons-y. Le devoir nous appelle. Christophe abandonna le bureau à Martin et Marie Solange. Il frappa à la porte de Graziani. Pas de nouvelles de Marceau et Marchand étaient rentrés chez lui. Deux inspecteurs avaient amené Foldano au commissariat en possession de la preuve du vol de Marceau. Plusieurs billets notés sur le carnet du petit garçon et qu'il lui avait remis quelques jours auparavant. « Tu as eu le nez creux, Carpol, avec ce cahier d'enfant, » dit Graziani. « Un coup de chance. Pas seulement. Un bon travail de flic sérieux. » J'ai mis BG au courant, c'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs. Nous surveillons le domicile de Marceau et je t'informe dès que j'ai du nouveau. Rentre chez toi, tu as l'air crevé. Tu préviendras Martin aussi? Oui, t'inquiète pas. Christophe risqua un œil dans son bureau. Manifestement, il dérangeait. Excusez-moi, je t'ai fait venir pour rien, Martin. Finalement, Graziani s'occupe de tout. Il nous préviendra s'il y a du neuf. On peut rentrer. En se demandant si Martin et Marie Solange l'avaient entendu, il s'éclipsa et rentra chez lui. Il avait envie d'être seul, de relire son journal qu'il négligeait depuis quelque temps. Il s'installa confortablement, se servit un whisky en songeant à Martin et Marie Solange, mit un disque de Diana Krall et feuilleta son cahier. je me nourris de l'air que tu respires. C'est pour cela que je ne supporte pas ton absence. J'étouffe sans toi. Il doit y avoir une explication scientifique à ce phénomène. Mais je n'ose pas faire de recherche de peur de briser mon rêve. C'est sans doute un besoin de partager mon souffle de vie. Un ange passe. Toi, bien sûr. Il n'y a jamais de blanc dans ma vie. Tu les habites tous. Le silence est ton royaume. Merci, mes amis, de m'en offrir de temps en temps. C'est pour cela que je souris souvent, parce que je pense à elle quand vous ne parlez pas. Maintenant, vous savez. Quand vous tournez cette fois votre langue dans votre bouche, elle est là. Lorsque vous vous ennuyez avec moi, elle est là. Lorsque vous cherchez la bonne réponse, elle est là. Lorsque je ne suis pas là, elle est là. Pardonnez mes distractions, mes absences, mes rêveries. Laissez passer l'ange, s'il vous plaît. Qui est cet homme que tu regardes ainsi? Je ne le connais pas. J'aimerais voir tes yeux pour savoir s'ils brillent et remonter dans ta tête pour connaître tes pensées, ce que tu ressens et ce que tu envisages. Et je pense aux autres hommes que tu dois regarder quand je ne suis pas là, et cette idée me rend fou. Une vision fugitive de tes cuisses, juste avant que tu ne tires sur ta jupe, cette attitude, les jambes croisées, penchées sur le côté qui me présente tes fesses enrobées de tissu tendu, cette naissance de gorge que tu me présentes quand tu te penches pour me raconter des histoires avec beaucoup de gestes, ce feu qui brûle dans tes yeux quand tu parles d'aventure, toutes ces postures m'enfièvrent depuis notre premier jour et encore aujourd'hui et pour toujours. Tu me parles et je t'entends, mais je ne t'écoute pas. Je perçois le son de ta voix, tes mots qui montent et descendent, mes fleurs et me touchent et me font voyager, et les rires qui fusent et me transportent, et les silences rares qui m'angoissent, et les petits cris qui me font frémir. Ma peau, mes yeux, mes muscles et mon cerveau sont attentifs à tes mélodies, ma chérie. Tu me manques et je tourne en rond. Où es-tu? Que fais-tu? Penses-tu à moi? Je sais bien que non, et c'est cruel. Je mets le poids de mon amour sur un côté de la balance et je crains d'y voir une plume de l'autre côté, une boule dans l'estomac, parce que tu n'es pas là ou que je n'ose pas t'appeler, pour éviter ton satané répondeur ou t'entendre dire « C'est une erreur parce que ton mari est là ». Je n'ai aucune faute de toi, aucune. Cela me permettrait de reposer mon esprit en te regardant plutôt qu'en pensant à toi. Je te vois si peu maintenant, quelques heures par semaine. Cela fait à peu près une semaine par an, sans dormir. Comment dormir en ta présence quand je te vois si peu? Je n'ai pas de souvenir de toi. Une cravate que tu m'avais offerte au début, un livre. J'aimerais tant avoir plus d'anciens vêtements de toi, tes chaussures ou tes cheveux ou... Non, je n'ose l'écrire. Il y a des jours où elle est toute guillerette, enjouée, rigolarde, où ses yeux brillent constamment. Quel bonheur! Tout devient beau, gai, les soucis disparaissent, le monde est serein, exaltant, plein d'espoir. Ces moments ne devraient jamais s'arrêter. Mais alors, comment les reconnaître? C'est le problème avec le bonheur, il doit côtoyer le malheur pour être apprécié. Je viens de te quitter, je passe du royaume des vivants à celui des morts ou des moribonds. Je verrai jusqu'à notre prochaine rencontre. Je suis lucide, atrocement lucide, désespéré, atrocement désespéré. Cela me fait le même effet à chaque fois. Je m'y prépare, mais cela ne sert à rien. Nos péchés sont têtus. Je tape sur le clavier comme un somnambule ces mots qui me rattachent à toi pour quelques instants encore, pour que la peine soit moins brutale, plus diluée. Mais l'effort est inutile. Je vais souffrir le même temps que d'habitude, une semaine, 7 jours, 168 heures, 10 080 minutes, 604 800 secondes, bref, une éternité. Christophe avait besoin de relire de temps en temps ses réflexions sur Marie, surtout quand leur rencontre approchait. Il pouvait le supporter car il allait la voir bientôt et ajouter ensuite quelques lignes à son petit journal de bonheur. Des fois, il se promettait de faire particulièrement attention à sa tenue, sa coiffure, ses premiers gestes, mais oubliait tout en sa présence, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir toujours quelque chose à écrire. Fatigué par leur planque de la nuit précédente et satisfait du travail accompli, il trouva rapidement le sommeil.